j'ai toujours la même équipe, poto. Ouais. Mec, j'ai toujours la même équipe. Rien n'a changé, encore la classique et les kids. Rien n'a changé, pas là pour faire du liquide, mais dans nos mains à manger. Je prends les instrus et les kicks, poto, rien n'a changé. Rien n'a changé. Non, non, rien n'a changé. Pareil que la paresse tue, moi je suis toujours en stud, poto, rien n'a changé. Ceux qui nous connaissent nous c'est tu un vrai lyricé. Je suis venu t'agresser, j'ai la fougue, le flow de guerre. Imbécile, précision les récits, rien à foutre de votre game. Je rappe pour qu'on m'écoute, pas pour qu'on me suive. Le message est le même, court et concis. Si on serre pas les coudes, logique conseil. Je suis lâchement pas les couilles de vos consignes. J'ai la voix, le phrasé, le purage et ça dans le thème. Mais je sais pas ce qu'ils attendent de moi. Je vais tout envoyer voile, c'est dur de penser au lendemain. Encore moins ce qu'on fera tant de moi. Mais j'en ai pas assez des épreuves. J'ai vu les miens éprouver. Dans le passé, j'ai fait mes preuves. À part à Dieu, rien à prouver. Ce monde est vaste, faut trouver sa route avant d'aboutir. Mais si la France en mal, poto, c'est pas la faute à Poutine. Au moins, j't'envoie que des bassons, ça fait péter la boutique. Limite, je te fais des fast flow comme si c'était la routine. Un peu d'égo trip, quoi. Un peu d'égo trip, quoi. Pour que mes gars aient mes go trip. J'fais pas les gros titres, moi. Pourtant, en studio, j'fais des gros titres. Un bar au cheat, j'ai frit des rochers loin des Rothschild. Là où j'ai grandi, ça vend tous ces stars, c'est Rothschild. Faut qu'on s'éloigne de tout ça. Mais viens pas nous serrer la main si t'as parlé roche. Mets tous dans la même merde. Chacun s'en sorcière, t'appelles-moi mesmer. Au moins, j't'en sorcière. Rien n'a changé. Toujours KO quand on sort, c'est. Mec, j'ai toujours la même équipe. Rien n'a changé. Encore la classique et les kids. Rien n'a changé. Pas là pour faire du liquide, mais dans nos miens à manger. Je prends les instrus et les kicks. Poto, rien n'a changé. Poto, rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Non, non, rien n'a changé. Non, non, rien n'a changé. Pareil que la paresse tue, moi je suis toujours en stud. Poto, rien n'a changé. Mec, j'ai toujours la même équipe. Rien n'a changé. Encore la classique et les kids. Rien n'a changé. Pas là pour faire du liquide, mais dans nos miens à manger. Je prends les instrus et les kicks. Poto, rien n'a changé. Poto, rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Non, non, rien n'a changé. Non, non, rien n'a changé. Pareil que la paresse tue, moi je suis toujours en stud. Poto, rien n'a changé. Poto, rien n'a changé. Je réponds plus à leur plainte, faut qu'à tous les rageux en cabine chargeur plein, je suis entraîné, je tire. Sur moi pas de Philippe plein, je joue pas les big graveurs, je peux engrainer les petits, passe le chrome, je vais leur montrer que rien n'a changé. J'écrase le cône, je rentre en cabine, là y'a danger. Ra ra ra ra. Je rafale anti-pop, l'histoire ne va pas s'arranger. Je vais leur faire la guerre avec des mots. Non c'est pas juste de la musique. Ils font leur oseille avec des mômes. Je préfère encore taffer à l'usine. Je les entends tous parler de calibre. À croire que le seul but c'est tout en choqué. Au chrome ils jouent tous les caïds. Et après ils s'étonnent que ça parte en couille en choqué. Fuck le rap game. On est ensemble mes enfoirés. La classique. La classique.